nous étions bien tranquilles sur notre notre belle belle planète, déguisés en sorte de steak. Nous avions des marques sur notre peau et les extraterrestres nous ont fait la peau. Où que je suis, où que je sois, peu importe ce que je regarde, ce que je vois, où que je vole, où que je m'écrase, où que je nage, où que je me noie. Je suis un spot publicitaire, soldat de la Sainte Guerre. Je suis un spot publicitaire, partant pour la Sainte Guerre économique. Dans l'atmosphère, elles auront la peau de notre terre. Ils ont fait un trou dans l'atmosphère. Des spots publicitaires, Légion de la Sainte Guerre. Nous sommes des spots publicitaires, partant pour la Sainte Guerre capitaliste. Nous sommes des spots Légion de la Sainte Guerre. Nous sommes des spots publicitaires, partant pour la Sainte Guerre capitaliste. Où que je suis, où que je sois,